Chapitre 10 Marguerite de France, reine de Navarre. La reine Margot. 1. La jeunesse de Marguerite. Fille de Henri II et de Catherine de Médicis, Marguerite de Valois naquit le 14 mai 1552. Ses nombreux biographes s'accordent à proclamer sa beauté et son esprit. Lorsque l'évêque de Cracovie vint à Paris annoncer au duc d'Anjou son élection au trône de Pologne, il adressa à Marguerite un discours en latin auquel elle répondit aussitôt dans la même langue avec une admirable sagacité. On a vu plus haut dans l'histoire de Marie Stuart que la cour des derniers Valois était remarquablement lettrée. Charles IX était instruit, ami des arts qu'il protégeait et poète. C'est de lui que Marguerite, sa sœur, tint le surnom de Margot, qui fut bientôt populaire. Sa jeunesse, qu'on essaya de calomnier, ne fut pas très heureuse. Elle était tenue très sévèrement par la reine Catherine, d'après ce que nous apprennent ses mémoires. Le roi Charles la tenait également à l'écart et indisposait sa mère contre elle. La maison de Guise, dont le roi et la reine se méfiaient à bon droit, ayant songé à unir le jeune duc à Marguerite, Charles feignit d'accueillir ses prétentions avec plaisir, mais en secret pensait à marier sa sœur au roi de Portugal. Une page des mémoires de Marguerite nous montre le peu que pesait sa volonté dans les desseins de la cour. « Le roi de Portugal, dit-elle, envoya des ambassadeurs pour me demander. La reine, ma mère, me commanda de me parer pour les recevoir, ce que je fis. Je lui dis que ma volonté n'avait jamais dépendu que de la sienne, et que tout ce qui lui serait agréable me le serait aussi. » Mais mon frère, lui ayant fait à croire que je ne voulais point de ce mariage, elle m'en parla le soir, en me demandant ma volonté, pensant bien en cela à trouver un sujet pour se courroucer contre moi. Elle me dit en colère, comme on l'y avait disposé, que ce que je disais, je ne l'avais point dans le cœur, et qu'elle savait bien que le cardinal de Lorraine m'avait persuadé de vouloir plutôt son neveu. Tous les jours, on lui disait quelque chose de nouveau sur ce sujet pour l'aigrir contre moi et me tourmenter. De sorte que je n'avais pas un jour de repos, car d'un côté, le roi d'Espagne empêchait que mon mariage ne se fît, et de l'autre, M. de Guise, étant à la cour, servait toujours de prétexte pour me faire persécuter. Ce que voyant, j'écrivis à ma sœur, Madame de Lorraine, pour la prier de faire que M. de Guise s'en allât de la cour. Mais d'autres projets de mariage allaient se former dans l'esprit de Charles IX. Pour trouver la vérité dans cette affaire, ce n'est pas aux mémoires de Marguerite qu'il faut s'adresser, mais aux révélations d'écrivains contemporains. 2. Comment le mariage de Marguerite servit au stratagème du roi Charles IX. Le projet de mariage avec Don Sébastien de Portugal était à peu près rompu. Lorsque l'amiral de Coligny s'ouvrit à Charles IX du projet d'unir cette princesse au prince Henri de Navarre, Charles donna les mains à ce mariage. Camille Capiloupi, gentilhomme romain, dans son histoire du « Stratagème du roi Charles IX contre les Huguenots », nous explique comment le roi vit dans ce mariage un moyen de prendre les Huguenots dans le piège. Ces détails sont peu connus et très curieux. L'affaire, dit-il, fut traitée et arrêtée sur le champ, sauf deux difficultés qui en arrêtaient la conclusion immédiate. L'une était la dispense que le roi voulait avoir du Saint-Siège. Dispense doublement nécessaire à l'égard du roi de Navarre par la qualité d'hérétique et par celle de cousin. L'autre, celle qui s'était élevée entre les parties touchant le lieu de la célébration. D'un côté, la mère du jeune époux, la reine de Navarre, femme habile et rusée et qui aimait tendrement son fils, ne voulait se fier ni au roi ni aux catholiques, et déjà mal disposée pour ce mariage, consentait encore moins qu'il se fît à Paris, ville très catholique, et très ennemi de sa maison. De l'autre, le roi insistait fortement pour que la cérémonie eût lieu dans la capitale. Ces obstacles retardaient la négociation. D'ailleurs, le pape Pie V ne voulait ni entendre parler de cette union, ni accorder la dispense. Il ne connaissait pas les secrets du roi, il ne s'en rapportait ni aux lettres de la reine, ni à celles des ministres de leur majesté, qui le prévenaient que tout se faisait dans la bonne intention et pour le service de la foi catholique. Le pape envoya un légat, auquel Charles répondit par des protestations mystérieuses. Pie V était ce vieux fanatique qui établit l'Inquisition à Rome. Aussi, dit Capiloupi, le roi qui le connaissait d'un naturel terrible craignait que si le mariage se faisait sans son consentement, le pontife n'éclatât contre la France par quelques mesures violentes et soudaines, lorsqu'il plut à l'éternelle providence et sagesse de Dieu de trancher subitement ces deux difficultés. Il permit tout à la fois la mort de la reine de Navarre, dont le fils resta sous l'entière direction de l'amiral, et celle du souverain pontife. Le pape étant mort le 1er mai, l'amiral et ses amis se crurent assurés de la volonté du roi. Ils délibérèrent de faire venir à la cour le roi de Navarre et le prince de Condé. Le roi, dans l'espoir de trouver le futur pontife de meilleure composition, résolut de conclure le mariage après avoir obtenu de ses théologiens une décision portant que le pape pouvait et devait, pour le salut du royaume, transiger avec les circonstances. Le cardinal de Lorraine, qui était fort inquiet pour sa personne, partit pour la capitale du monde chrétien. Nous passons sous silence l'odieuse comédie dont fut dupe l'amiral et les premières tentatives d'assassinat dont il faillit être victime. Notre intention n'est pas de raconter l'histoire complète de la Saint-Barthélemy, mais seulement la part que le mariage de Marguerite de Valois eut dans ce guet-apens monstrueux. Tout était prêt pour le massacre, mais le nouveau pape, Grégoire XIII, refusait la dispense. Charles ne recula point devant un faux. Le roi, pressé par l'amiral et par la brièveté du temps, après avoir employé quelques jours pour donner ordre à tout ce que nécessitait le grand coup qu'il se disposait à frapper, résolut de ne point perdre une si belle occasion. Il ne pouvait pas espérer de rassembler une seconde fois tant d'oiseaux dans un même filet. Aussi, quoiqu'il n'eût pas la dispense du pape, il dit à l'amiral qu'il voulait à tout prix que les noces se célébrassent. Mais, comme il était impossible d'amener la reine-mère et la jeune épouse à consentir au mariage sans la dispense, il ajouta qu'il avait imaginé de supposer une lettre de son ambassadeur à Rome dans laquelle celui-ci marquerait que le cardinal de Lorraine, par autorité et par adresse, avait enfin obtenu la dispense, que cette pièce arriverait par le premier courrier et qu'on pouvait toujours passer outre à la cérémonie du mariage. L'amiral approuva cette ruse. Le roi fit fabriquer une fausse lettre. Il la présenta à la reine-mère qui savait et conduisait toute l'intrigue et qui, feignant de croire l'écrit véritable, déclara que rien ne s'opposait plus à la cérémonie. De son côté, la jeune princesse, trompée par sa mère et très éloignée de croire que la lettre fût fausse, donna son consentement, auquel se joignit celui du cardinal de Bourbon, son oncle, pareillement abusé. Ce fut ainsi que le 18 août, tous les préparatifs étant faits à l'église, les époux y furent conduits et le cardinal leur donna la bénédiction nuptiale. Après la cérémonie de l'anneau, le roi de Navarre sortit de l'église et laissa sa femme à la messe. Cependant, les carousels, joutes et autres fêtes usitées avaient attiré un concours immense de cavaliers, soit catholiques, soit huguenots, de sorte qu'on peut dire que toute la noblesse de France se trouvait rassemblée à la cour. Tous les divertissements étaient réglés par l'amiral à qui le roi en avait confié la direction particulière. Après ces fêtes, le roi compléta les mesures déjà arrêtées pour le massacre. Morvel, le tueur du roi, essaya encore d'assassiner l'amiral de Coligny. Enfin, le samedi 22, le roi, après s'être assuré que le roi de Navarre et le prince de Condé étaient rentrés au Louvre, le fit fermer avec défense d'en laisser sortir personne. Le duc de Guise, le duc d'Angoulême, frère bâtard du roi, et le duc d'Aumale furent chargés de diriger l'exécution. Ils se rendirent d'abord, avec leurs hommes, à l'hôtel de l'amiral, rue Saint-Honoré. Entrés impétueusement dans la maison, ils massacrèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent. L'amiral, éveillé au bruit, se mit sur son séant lorsqu'il fut atteint par un jeune Allemand nommé Besme, qui avait été page du vieux duc de Guise. Quand tout fut tué dans la maison, les seigneurs ordonnèrent qu'on jetât le corps de l'amiral par la fenêtre, afin que le peuple le vît, car il faisait clair comme en plein jour. On jeta le corps de l'amiral, mais le malheureux, à qui restait encore un souffle de vie, s'accrocha à l'appui d'une fenêtre. On l'acheva et on le jeta au peuple, qui traîna son cadavre par les bouts et le laissa au bord de la rivière. Le massacre continua. À la nouvelle de la mort de l'amiral, le roi envoya chercher le roi de Navarre, qui était au lit, avec sa femme. Il lui dit ce qui venait d'être fait à Coligny et tout ce qui se faisait par son ordre. Il l'engagea à abjurer sa religion et à devenir bon catholique. À ces paroles, le pauvre petit jeune homme, plus mort que vif, se jeta aux pieds du roi et lui promit d'être bon catholique et son fidèle serviteur et parent. Tandis que Charles IX parlait à Henri de Navarre, on tuait dans son antichambre ceux qui y dormaient. Marguerite raconte ainsi ses « noces vermeilles ». « Comme j'étais la plus endormie, dit-elle, voici un homme, frappant des pieds et des mains à la porte de ma chambre, criait « Navarre, Navarre !» Ma nourrice, pensant que c'était mon mari, courut vivement à la porte. Un gentilhomme, déjà blessé et poursuivi par des archers, entra avec eux dans ma chambre. Lui, se voulant garantir, se jette dessus mon lit. Moi, sentant cet homme qui me tient, je me jette à la ruelle, et lui, après moi, me tenant toujours à travers le corps. Je ne savais si les archers en voulaient à lui ou à moi, car nous crions tous deux et nous étions aussi effrayés l'un que l'autre. Enfin, Dieu voulut que M. de Nancy, capitaine aux gardes, vînt, qui me trouvant en cet état-là encore qu'il eut de la compassion, ne put se tenir de rire, et se courroussa fort aux archers, les fit sortir, et me donna la vie de ce pauvre homme qui me tenait, et que je fis coucher dans mon cabinet jusqu'à ce qu'il fût du tout guéri, et changé bien vite de chemise parce qu'il m'avait couverte de sang. M. de Nancy me conta ce qui se passait, et m'assura que le roi, mon mari, était dans la chambre du roi, et qu'il n'aurait nul mal. Et, me faisant jeter un manteau de nuit sur moi, il m'emmena dans la chambre de ma sœur, Madame de Lorraine, où j'arrivais plus morte que vive. Et, entrant dans l'antichambre, de laquelle les portes étaient toutes ouvertes, un gentilhomme nommé Bourse, se sauvant des archers qui le poursuivaient, fut percé d'un coup de hallebarde à trois pas de moi. Je tombai de l'autre côté, presque évanoui, dans les bras de M. de Nancy, et pensai que ce coup nous eût percés tous deux. Le reste des gens du roi de Navarre et ceux du prince de Condé furent massacrés. Triste mariage que celui d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. Et plus triste encore les jours qui suivirent. Un nuage de sang passa sur leur lune de miel et ils ne la revirent plus. Et cependant, ni l'un ni l'autre n'étaient ni fanatiques ni cruels. Eux seuls, peut-être, ne partageaient point les passions féroces de la cour. Au contraire, tous deux ne manquaient ni de bonté, ni d'intelligence, ni d'esprit. Il semblait né pour s'aimer, et il en fut tout autrement, ainsi qu'on va le voir. 3. Le brillant Bussy d'Amboise. On aura remarqué que, bien que les portes du Louvre fussent fermées, et la nuit fort avancée, puisque le massacre ne commença qu'à 2 heures du matin, le Béarnais n'était point couché avec sa femme. Il est à croire qu'aucune inclination ne s'était éveillé chez les nouveaux époux depuis le 18 août, et cependant, sauf la différence de religion, Marguerite de France et Henri de Navarre semblaient appelés à s'aimer. Tous deux étaient jeunes, beaux, doués de bonté, d'intelligence et d'esprit. Marguerite détestait le machiavélisme de son frère et de sa mère. Ils partageaient la même horreur du fanatisme et le même goût pour les plaisirs. Et cependant, ils ne connurent même pas les premiers rayons de la lune de miel. Ils ne se détestèrent jamais, mais ils ne purent vivre ensemble. D'où provenait cette mésintelligence? Probablement du défaut d'éducation du Béarnais. On raconte qu'à sa naissance, sa mère, Jeanne d'Albret, lui avait frotté les lèvres de vin et d'ail. Il s'en est ressenti toute sa vie. Marguerite le trouva débraillé, grossier et, disent quelques mémoires, malpropre. Quant à lui, il dut trouver la princesse trop raffinée et trop coquette. On ne saurait croire qu'il eût soupçonné d'avoir trempé dans l'odieux complot auquel son mariage avait servi de prétexte. Mais il est permis de supposer qu'il ne pouvait oublier qu'elle était la sœur de Charles IX et des ducs d'Anjou et d'Aumale. Henri aimait le vieil amiral de Coligny. Quoi qu'il en soit, dès les premiers jours de son mariage, Henri de Béarn délaissa sa femme pour Madame de Sauve. Marguerite avait sa vengeance toute prête. Elle n'eut qu'à se départir de sa rigueur envers le fameux Bussy qui depuis longtemps lui faisait la cour. Ce Bussy, dont elle a fait des éloges outrés, était un des plus turbulents et des plus terribles coupe-jarrets de cette époque. Louis de Clermont, comte de Bussy, s'était distingué par sa férocité dans les massacres du 24 août. Comme il plaidait pour le marquisat de Revel avec Antoine de Clermont, son parent, il avait profité du tumulte pour assassiner ce dernier. Il était passé ensuite du service du roi à celui du duc d'Anjou, le frère bien-aimé de Marguerite, et avait rompu avec le nommé Legast, âme damnée de Charles IX. Legast, lui aussi, avait fait la cour à la reine de Navarre. En voyant Bussy réussir, Legast ne manqua point d'avertir le roi, qui, à son tour, en parla à la reine-mère. « Et d'où nous viennent de pareils soupçons ?» demanda Catherine. « Je ne parle que d'après les autres, » répondit le roi. « Tout le monde le dit. » La reine-mère interrogea Marguerite, qui dénonça le Gast comme son ennemi acharné et se plaignit de lui comme auteur de ses calomnies. « D'ailleurs, ajouta-t-elle, il s'entend avec Madame de Sauve pour éloigner de moi mon mari. » Alors éclata une guerre à mort entre le Gast, Bussy et Marguerite, ou si l'on veut, le parti du roi et le parti du duc d'Anjou. Cette guerre intestine du Louvre a défrayé plus d'un romancier et l'on sera bien aise de trouver ici en quelques lignes des mémoires de la reine de Navarre, les scénarios de la reine Margot, des 45 et plus loin de la dame de Montsoreau. Le Gast, dit la reine, voyait sa mine éventée et qu'elle n'avait pris feu de ce côté comme il le désirait, s'adressa à certains gentilshommes qui servaient le roi, mon mari, et qui jusqu'alors avaient été compagnons de Bussy et depuis devenus ses ennemis par la jalousie que leur apportait sa gloire. Ceux-ci, joignant à cette envieuse haine un zèle inconsidéré au service de leur maître, ou pour mieux dire, couvrant leur envie de ce prétexte, se résolurent un soir, sortant tard du coucher de son maître pour se retirer en son logis, de l'assassiner. Et comme les honnêtes gens qui étaient auprès de mon frère avaient accoutumé de l'accompagner, ils savaient qu'ils ne le trouveraient avec moins de 15 ou 20 honnêtes hommes, et que, bien que pour la blessure qu'il avait au bras droit depuis peu de jours qu'il s'était battu en duel contre Saint-Val, il ne portât point d'épée, sa présence serait suffisante pour redoubler le courage à ceux qui étaient avec lui. Ce que relevant et voulant faire leur entreprise assurée, ils résolurent de l'attaquer avec 200 ou 300 hommes, le voile de la nuit couvrant la honte d'un tel assassinat. Voilà de nobles et vaillants gentilshommes, n'est-ce pas? Et ce Louvre des derniers Valois ne ressemble-t-il pas à une caverne de bandits? Mais poursuivons. Le Gast, qui commandait au régiment des gardes, leur fournit des soldats, et, se mettant en 5 ou 6 troupes, en la plus prochaine rue de son logis, où il fallait qu'il passât, le chargèrent, éteignant les torches et flambeaux. Après une salve d'arquebusades et de pistoletades, qui eût suffi, non à attraper la troupe de 15 ou 20 hommes, mais à défaire un régiment, ils viennent aux mains avec sa troupe, tâchant toujours dans l'obscurité de la nuit à le remarquer pour ne le faillir, et le connaissant à une écharpe colombine où il portait son bras droit blessé, bien à propos pour eux qui en eussent senti la force, qui furent toutefois bien soutenus de cette petite troupe d'honnêtes gens qui étaient avec lui, à qui l'opinée rencontre, ni l'horreur de la nuit, n'ôta le cœur et le jugement. Mais, faisant autant de preuves de leur valeur que de l'affection qu'ils avaient à leur ami, à force d'armes, ils passèrent jusqu'à son logis sans perdre aucun des leurs, excepté un gentilhomme qui avait été nourri avec lui, et qui, ayant été blessé au bras, portait une écharpe colombine, comme lui. Un gentilhomme italien, qui était à mon frère, se trouvait parmi eux. L'effroi le prit, et il accourut tout sanglant au Louvre, et jusque dans la chambre de mon frère qui était couché, criant que l'on assassinait Bussy. Mon frère soudain y voulut aller. De bonne fortune, je n'étais point encore couché, et jouis cette nouvelle épouvantable. Soudain, je cours en sa chambre pour l'empêcher de sortir, et envoyai prier la reine-mère d'y venir pour le tenir. Catherine dut user de son autorité pour empêcher le duc d'Anjou de sortir au secours de son ami Bussy. Elle avait à craindre qu'il ne fût lui-même assassiné par les gentilshommes du roi, son frère. Marguerite le dit, sans même avoir l'air de se douter de ce qu'il y a d'affreux dans la supposition de ce fratricide. Le lendemain, Bussy, sans crainte de ses ennemis, vint au Louvre aussi joyeux que si rien de fâcheux ne lui était arrivé. Mais la reine-mère obtint qu'il se retirât à Angers où, par parenthèse, il sut se rendre odieux par son caractère querelleur et intraitable. Tel était le premier amant de la reine de Navarre, cet homme dont elle nous dit « Il était né pour être la terreur de ses ennemis, la gloire de son maître et l'espérance de ses amis. » Un héros. Nous verrons plus loin comment il finit. 4. La Torigny. La reine avait une fille d'honneur nommée Changi. Elle déplut à Le Gast, qui obtint du roi qu'elle fût renvoyée. Marguerite avait près d'elle une femme qu'elle aimait beaucoup et qui lui était très dévouée. C'était une amie d'enfance. On la nommait Torigny. « Sire, dit Le Gast au roi, on accuse souvent les gentilshommes d'être des sujets de scandale. »« Mais c'est juste, dit le roi, Bussy. Cependant, votre majesté a-t-elle réfléchi qu'il y aurait moins de Bussy et qu'il y aurait moins de désordre si la cour n'était infestée de gens intéressés à les favoriser? De qui veux-tu parler? Des gens de compagnie et de service qui, toujours au guet des caprices de leur maître ou de leur maîtresse, ne songent qu'à les satisfaire. Ce sont ces valets complaisants et entremetteurs qui fomentent le désordre pour en vivre. Ainsi vous avez renvoyé Bussy. Et je m'en applaudis. Mais croyez-vous avoir frappé le seul, le plus grand coupable? La même personne qui avait intérêt à ouvrir à Bussy la porte de la reine de Navarre n'est-elle pas prête à l'ouvrir à d'autres? Qui cela? Ai-je besoin de la nommer? La femme de confiance de Madame Marguerite. Thorigny? Oui, Thorigny. Elle a servi Bussy. Elle est prête à en servir d'autres. Ne sais-tu rien de particulier? Si j'étais le roi, j'en saurais peut-être davantage. Oh, les rois sont toujours les derniers à apprendre ce qui les touche. Ainsi, mon cousin de Navarre, c'est un bien petit roi. Il n'en jouit pas moins de cet aveuglement qui est un des privilèges de la couronne. Ne pourrait-on l'avertir? Parle-lui. Ma parole aurait peu d'autorité. Puis, le sujet est si délicat, car, en définitive, il s'agit plutôt d'un mal qu'il faut prévenir que d'une faute. Mais votre majesté, dans son intérêt même, pourrait l'engager à renvoyer cette Thorigny. Et s'il allait s'en formaliser? Il aurait mauvaise grâce. Votre majesté ne lui a-t-elle pas donné l'exemple en exigeant que la reine renvoyât la Changi? Je vais lui en parler. Le roi se rendit chez son cousin de Navarre et en effet trouva tout d'abord celui-ci assez mal disposé à ce nouveau moyen d'humilier et de persécuter sa femme. « Je ne vous aimerai jamais, lui dit le roi, si dès demain vous n'avez enlevé la Thorigny à Marguerite. » Henri de Navarre n'hésita plus. Il n'était point jaloux, mais il feignit de l'être et répéta à sa femme les bruits fâcheux qui couraient sur sa conduite pour déclarer ensuite qu'il ne serait satisfait que si elle renvoyait Thorigny. « Vous savez bien, lui dit Marguerite, que cette fille est aussi honnête que dévouée. C'est une méchanceté de Legaste. Et voilà votre reconnaissance pour les soins que je vous donnais dernièrement. » Elle faisait allusion au fait suivant qu'elle rapporte dans ses mémoires. « Le roi, mon mari, ayant une nuit eu une fort grande faiblesse, en laquelle il demeura évanoui l'espace d'une heure, qui lui venait, comme je crois, d'excès qu'il avait fait avec les femmes, je l'avais servi et assisté comme je le devais, de quoi il était si content de moi qu'il s'en louait à tout le monde. Mais, bien qu'il eût mauvaise grâce de se montrer jaloux, il insista et finit par imposer sa volonté. Thorigny fut renvoyé et se retira chez un de ses cousins, nommé Châtelain. Je restais si offensé de cette indignité, dit Marguerite, que, ne pouvant plus résister à la juste douleur que je ressentais et bannissant toute prudence de moi, je m'abandonnais à l'envie de ne me plus forcer à rechercher le roi, mon mari. De sorte que, Legaste et Madame de Sauve, d'un côté, l'étrangeant de moi, et moi m'éloignant de lui, nous ne couchions plus et ne parlions plus ensemble. Mais Bussy avait-il eu un successeur? Mais Marguerite ne s'autorisait-elle pas des légèretés de son mari pour se conduire alors comme elle s'est conduite plus tard? Il est permis de le supposer. Cependant, ce Legaste était véritablement un coquin. N'envoya-t-il pas une bande de soudards pour s'emparer de cette pauvre fille et la jeter à la rivière? Les gens de Legaste mirent à sac la maison de Châtelain, cousin de Thorigny, pillèrent et détruisirent comme en pays conquis, puis attachèrent leur prisonnière sur un cheval pour aller la noyer. Heureusement pour cette malheureuse, messieurs La Ferté et Avantigny, qui appartenaient au duc d'Anjou, étant passés de ce côté avec 200 cavaliers, apprirent ce qui se passait et la délivrèrent. Tandis que ces brutalités s'exerçaient contre une malheureuse domestique, le roi de Navarre parvenait à s'échapper de la cour de France et à regagner son royaume. Ce fut au Louvre un grand sujet de colère et d'alarme, car on craignait que le duc d'Anjou ne s'unît à lui. La vieille Catherine alla trouver Marguerite. « Ma fille, lui dit-elle, vous ne trouverez pas étrange que le roi se sente offensé contre votre frère et votre mari, et que, sachant l'amitié qui est entre vous, croyant que vous savez leur partement, il soit résolu de vous tenir pour otage. Il sait combien votre mari vous aime et ne peut avoir un meilleur gage de lui que vous. Pour cette cause, il a commandé que l'on vous mît des gardes pour vous empêcher que vous sortiez de votre chambre, car si vous restiez libre d'aller et venir dans le Louvre, vous pourriez apprendre nos conseils et les leur communiquer. « Moi ? » fit Marguerite. « Mais, ma mère, ignorez-vous que, depuis que mon mari m'a pris Thorigny, nous ne nous sommes plus parlé ? Hier, on me reprochait de ne pas aimer assez mon mari. Aujourd'hui, on me parle de l'attachement que j'ai pour lui, et l'on m'en fait presque un crime. Mais vous savez bien qu'il est parti sans m'avoir vu et sans m'avoir dit adieu. » « Ce sont, répondit la reine-mère, petite querelle de mari à femme, mais on sait bien qu'avec de douces lettres, il vous regagnerait le cœur, et que, s'il vous mande de l'aller trouver, vous irez. » Catherine se retira, et, par sa porte entr'ouverte, Marguerite put voir deux sentinelles. Elle était séquestrée. Elle servait d'otage à son frère contre son mari. « À la cour, dit-elle, l'adversité est toujours seule. » Le brave Crillon osa seul mépriser les défenses et venir voir la reine captive. Grâce à lui, elle put recevoir des lettres de son mari qui, éloigné de sa Circé, Madame de Sauve, lui écrivit des lettres très honnêtes, et elle put écrire à son frère d'Anjou qui se trouvait alors en Champagne avec une armée. « Mon frère, dit-elle, fut tellement indigné du traitement que l'on me faisait subir que, s'il n'eût eu l'affection de sa patrie enracinée dans le cœur, il eût marché sur Paris avec son armée. » Il écrivit à la reine-mère. Catherine se rendit près de lui, mais le duc, furieux, déclara à sa mère qu'il n'écouterait aucune proposition avant que l'on eût réparé les torts que l'on avait envers sa sœur bien-aimée. Catherine eut peur et rapporta la paix au Louvre. Marguerite, de son côté, protesta des bonnes intentions de son mari et demanda, pour rétablir sa santé ébranlée, à aller aux eaux de Spa. Ce voyage à travers les Flandres est certainement une des pages les plus intéressantes des mémoires de la reine Margot. Mais ce serait ici un hors-d'œuvre un peu long, car il ne s'y mêle, que nous sachions, aucune galanterie. Cependant, pour ceux de nos lecteurs qui n'ont pas le loisir de lire l'histoire dans les originaux et qui sont curieux des mœurs du temps passé, nous citerons la description de la litière de la reine et de l'ordre dans lequel ces gens l'accompagnaient. « J'allais, écrit-elle, dans une litière faite à piliers, doublée de velours incarnadin d'Espagne en broderie d'or et de soie. Cette litière était toute vitrée, et les vitres toutes faites à devises. Il y avait dans la doublure et aux vitres 40 devises toutes différentes, avec les mots en espagnol et en italien sur le soleil et ses effets. Après cette litière venait celle de ces deux dames d'honneur, puis 10 filles à cheval avec leur gouvernante et 6 carrosses ou chariots où étaient les dames et femmes de service. Marguerite, comme ses frères d'ailleurs, aimait beaucoup le luxe et était d'une coquetterie et d'une prodigalité ruineuse. Comme son mari le lui reprochait un jour, « Vous savez bien, lui répondit-elle, que c'est chez moi un vice de famille. » 5. Bussy et les 45. Cependant, la paix conclue entre le roi et son frère n'était qu'apparente. À peine d'Anjou fut-il de retour à Paris que les querelles entre les gentilshommes de sa maison et ceux du roi éclatèrent journellement. Le roi s'était entouré d'une garde de 45 spadassins, prêts à tous les coups de main, mais d'une fidélité à toute épreuve. La rentrée de Bussy à Paris fut un signal pour les Quélus, Maugiron, Saint-Luc, Saint-Mégrin, de Gramont, qui s'étaient jurés de le tuer. Mais Bussy était un terrible adversaire, et, désespérant d'en venir à bout dans un duel loyal, ils reprirent les traditions du Louvre et organisèrent un guet-apens. L'ancien amant de Marguerite s'était épris de la femme de Charles de Chambes, seigneur de Montsoreau, et en l'absence de celui-ci, lui rendait visite, le soir, dans la maison qu'elle occupait seule, au Marais. Les 45 avertirent le mari, Charles de Montsoreau et ses amis se cachèrent dans la maison, et le mari obligea sa femme à donner rendez-vous à Bussy. Vous connaissez sans doute le roman de Dumas, où sont si bien dépeints les élégants coupe-jarrets de Henri III, et vous savez comment finit l'aventure. Il nous semble encore assister aux terreurs de la femme, voir arriver le brave Bussy dans ce piège rempli d'épées assassines. Une lutte épouvantable, désespérée, s'engage entre l'amant trahi et la bande qui l'assiège et l'enveloppe. On oublie que ce Bussy ne vaut guère mieux que ses adversaires, et sa bravoure lui rallie tous les cœurs. Seul contre tous ses traîtres, il est superbe, et ce combat aura plus fait pour sa renommée que pour tant de vaillants capitaines, la prise d'une ville ou une victoire remportée en bataille rangée. Note. Je lui ai ouï dire souvent, dit Brantôme, qu'en temps de combats singuliers et guerres et rencontres générales, car il en a fait proue, où il ne s'est jamais trouvé, ce n'était point tant pour le service de son prince, ni pour ambition, que pour la seule gloire de complaire à sa dame. Fin de note. Accablé par le nombre, il a succombé. Et chose triste, on dit que le duc, son maître et ami, ne fut pas trop affligé d'être débarrassé d'un serviteur aussi turbulent. Quant à Marguerite, elle n'eut pas le courage de raconter cette fin tragique, un peu de jalousie la tenait au cœur. À peine rentrée au Louvre, elle se trouvait mêlée à ce foyer d'intrigues plus ou moins politiques qu'attisait sans cesse la reine-mère. Le duc d'Anjou était à son tour fait prisonnier et renfermé dans un appartement du palais. Elle avait obtenu de partager la captivité de son frère et bientôt elle complotait avec lui les moyens d'une évasion. Par ses soins, on fabriqua une corde à nœuds et, la corde faite, il fut entendu que le duc s'évaderait par la fenêtre de la chambre de Marguerite en compagnie de deux de ses valets de chambre, Simier et Cangé. L'aventure est plaisante, surtout quand on songe qu'elle a pour héros une reine et son frère, et que cette corde, engin de roman ou de drame, s'attache à un balcon du Louvre. Une nuit, donc, le duc d'Anjou se rend avec Simier et Cangé dans la chambre de sa sœur qui, aidée de ses femmes, attache la corde au balcon de sa fenêtre. Et l'évasion commence. Le duc descend le premier en riant et en plaisantant, puis ses valets tremblants le suivent. Tous trois, enfin, arrivent dans le fossé du Louvre, rampent vers la rivière et gagnent l'autre rive, où des amis les attendent à l'abbaye Sainte-Geneviève. Mais au moment où Cangé, le dernier des trois fugitifs, mettait le pied à terre, Marguerite aperçut un homme qui, se levant du fond du fossé, se mettait à courir dans la direction du jeu de paume où se trouvait le corps de garde. « J'en demeurai à demi pâmé de peur, » dit-elle, croyant que ce fut quelqu'un qui, suivant l'avis de monsieur de Matignon, avait été mis là pour nous guetter. Et estimant que mon frère fut pris, j'entrai en un désespoir qui ne se peut représenter. Sa frayeur gagna ses femmes, qui s'empressèrent de retirer la corde et, pour détruire les preuves du crime, la jetèrent au feu. Ce paquet de chanvre flamba aussitôt. Mais voici bien une autre alerte. Le feu prit à la cheminée et la garde accourut, frappant à la porte à coups redoublés. « Ne bougeons pas, » dit Marguerite. « Vite, au lit !» On frappa de plus belle. « Demandez ce qu'on veut, » reprit la reine. « C'est le feu, » répondit un soldat. « Ce n'est rien qu'un feu de cheminée. Laissez-nous en repos, il s'éteint. » Les gardes se retirèrent. Enfin, peu de temps après, de nouvelles rumeurs se faisaient entendre. C'était l'abbé de Sainte-Geneviève qui venait avertir le roi que Monseigneur d'Anjou et ses amis s'étaient emparés de force de son logis et avaient pratiqué dans la muraille de la ville un trou par lequel il s'était enfui. Et pendant que la maison de France se livrait à ses ingénieuses et utiles occupations, qui donc s'occupait des intérêts sérieux du royaume? L'histoire de cette époque n'est qu'un long roman de capes et d'épées. Après cette aventure, Marguerite fut de nouveau menacée d'être prise pour otage. Mais les Béarnais lui vinrent en aide. S'étonnant, à juste titre, du séjour de la reine à Paris, et peut-être désireux de la connaître, ils pressèrent le roi de la faire venir à Pau. Henri ne s'ennuyait pas de l'absence de sa femme. De jolies filles, la Déielle et la Rebours, l'avaient déjà aidé à oublier Madame de Sauve, mais il se rendit aux sages raisons de ses conseillers. Il transmit le vœu de ses sujets à la reine-mère et à Marguerite. Catherine fit d'abord la sourde oreille. Elle se demanda quel gage lui resterait contre le duc d'Anjou et le roi de Navarre s'il leur plaisait de se liguer contre elle. Elle sonda le cœur de sa fille et hésita encore. Il fallut que le mari et le frère se montrassent menaçants pour que la méfiante Catherine consentît à se dessaisir de son otage. Enfin, après s'être assurée que sa fille ne conservait contre elle aucun ressentiment, elle consentit à son départ. Marguerite fit à Pau une entrée solennelle et son arrivée fut le signal de fêtes qui se prolongèrent pendant plusieurs jours. Son mari lui fit le meilleur accueil et elle n'eut à se plaindre dans les premiers temps que de la Rebours, fille malicieuse, selon elle, qui s'appliqua à lui faire de méchants tours. Mais le règne de cette favorite ne fut pas de longue durée. Elle tomba malade, ce fut assez pour en détacher le roi qui donna la couronne de roses à la fausseuse. La nouvelle favorite vécut en bonne harmonie avec Marguerite, dont elle était fille d'honneur. Elle se maintenait, écrit la reine, avec tant d'honneur et de vertu, que si elle eût toujours continué de cette façon, elle ne fût pas tombée au malheur qui depuis lui en a tant apporté et à moi aussi. On voit que les mots « d'honneur » et de « vertu » ont bien changé de sens depuis cette époque, et qu'il ne faut pas s'étonner de voir Brantôme qualifier d'honnêtes et vertueuses dames les dames les plus galantes ou les plus dépravées de son temps. Bien que la cour de Pau ne fût pas prude, comme l'on voit, la reine trouva le moyen de la rendre plus licencieuse encore. Elle y introduisit un luxe, une coquetterie que l'on n'y connaissait pas encore. Elle usa de tous les raffinements imaginables. et c'est d'elle que le roi Henri avait appris à faire tendre son lit de drap de taffetas noir, afin de faire paraître plus éclatant le teint blanc de ses maîtresses. À Pau, comme au Louvre, et peut-être avec une plus grande liberté, elle s'entoura de ces aventuriers dont les muses signaient jadis les passeports d'une main libérale. Poètes et rimeurs, savants et astrologues, musiciens, tout un monde d'amuseurs, dont la plus grande ambition était d'obtenir les faveurs éphémères de cette reine galante. Henri, qui avait lui-même besoin d'indulgence conjugale, ne se montrait pas jaloux. Mais sa parcimonie, son ignorance du luxe et son peu de fortune lui rendaient pénible la prodigalité de sa femme et sa coquetterie. C'est dans Brantôme, au livre des Dames illustres, qu'il faut s'édifier sur le luxe de Marguerite. Nous allons lui emprunter le portrait de cette princesse et quelques détails curieux sur sa toilette. On verra que le luxe et la coquetterie ne sont pas en progrès de nos jours et supportent mal la comparaison avec ceux de la reine de Navarre. 6. La beauté et le luxe de Marguerite. Brantôme avait beaucoup connu la reine de Navarre. Sa mère avait été à son service et il avait pour Marguerite une admiration qui ressemble à un culte. Mais, comme on le verra, elle était assez belle et assez séduisante pour ne rencontrer guère que des admirateurs. Elle était grande, bien faite, brune, avec un teint blanc et d'une grande fraîcheur. Ses traits étaient réguliers et sa physionomie des plus agréables. Une coquetterie savante, un besoin de plaire qu'elle conserva jusque dans l'âge le plus avancé, ajoutait encore au don de la nature. Voilà ce que l'on peut dire d'elle sans exagération. Mais Brantôme, comme Ronsard, en parle d'un ton moins modéré. « On dirait, dit-il, que la mère nature, ouvrière très parfaite, mit tous ses plus rares sens et subtils esprits pour la façonner. Car, soit qu'elle veuille montrer sa douceur ou sa gravité, il sert d'embrasser tout un monde tant ses attraits sont beaux, ses linéaments tant bien tirés, et ses yeux si transparents et si agréables qu'il ne peut s'y trouver rien à dire. Et qui plus est, ce beau visage est fondé sur un corps de la plus belle, superbe et riche taille qui se puisse voir, accompagné d'un port et d'une grave majesté qu'on la prendra toujours pour une déesse du ciel plus que pour une princesse de la terre. » À l'appui de son admiration, il raconte les extases des ambassadeurs polonais et parle de l'admiration qu'avait pour elle Don Juan d'Autriche, et jusqu'aux soldats de ces vieilles bandes espagnoles qui déclaraient que la conquête d'une telle beauté valait mieux que celle d'un royaume. Des envoyés turcs, tout barbares qu'ils étaient, étaient du même avis. Et Ronsard, dans une élégie, montrait Vénus jalouse de sa rivale terrestre. « Elle ne se cachait guère d'un masque, ajoute-t-il, comme toutes les autres dames de notre cour, mais la plupart du temps elle allait le visage découvert. Ce n'est pas tout, car ses beaux accoutrements et belles parures n'osaient jamais entreprendre de couvrir sa belle gorge, ni son beau sein, craignant de faire tort à la vue du monde qui se paissait sur un si bel objet. Car jamais n'en fut vue une si belle, ni si blanche, si pleine, ni si charnue, qu'elle montrait si à plein et si découverte que la plupart des courtisans en mouraient, voire des dames que j'ai vues, aucune de ses plus privées, avec sa licence, la baisait par un grand ravissement. Voilà pour la beauté. Quant au luxe de toilette, Brantôme raconte qu'il la vit un jour dans une cérémonie avec une robe de drap d'or frisée de 15 aunes à 100 écus l'aulne. Comptez environ 400 louis de nos jours. Cette étoffe était un présent du grand seigneur à l'ambassadeur de France. Quelle princesse porte aujourd'hui des robes de 5 à 6 000 louis ? Notez, dit encore le panégyriste, que si notre reine était si toute belle de soi et de sa nature, elle se savait si bien habillée, et si curieusement et richement accommodée, tant pour le corps que pour la tête, que rien n'y restait plus pour la rendre en sa pleine perfection. À Cognac, en se rendant à Pau, elle parut vêtue fort superbement d'une robe de toile d'argent et colombin à la boulonnaise, manches pendantes, coiffée très richement avec un voile blanc, ni trop grand, ni trop petit. La reine-mère lui fit compliment. « Ma fille, lui dit-elle, vous êtes très bien. » Elle répondit, « Madame, je commence de bonne heure à porter et user mes robes et les façons que j'apporte avec moi de la cour, car, quand j'y retournerai, je ne les emporterai point, mais j'y entrerai seulement avec des ciseaux et des étoffes pour me faire habiller selon la mode qui courra. » La reine-mère lui répondit : Pourquoi dites-vous cela ? C'est vous qui inventez et produisez les belles façons de s'habiller, et en quelque part que vous alliez, la cour prendra de vous, et non vous de la cour. Vous pensez de quel œil le bon roi de Navarre, qui manquait de chemise, devait voir une si ruineuse coquetterie ? Il est probable que la seconde brouille qui survint entre les deux époux eut plutôt pour cause la coquetterie et la galanterie de la reine que le dissentiment religieux que nous rapportent tous les historiens. La reine, dit-on, avait pour ennemi à la cour de Pau un nommé Dupin, qui avait été autrefois à l'amiral de Coligny. Ce Dupin, peut-être d'accord avec le roi, entreprit d'interdire à la reine et aux siens l'exercice du culte catholique. Un jour, il lui interdit la messe. Il s'en estomacha si bien qu'il fit mettre en prison quelques-uns de la ville qui y avaient été. La reine en fut très mal contente, et le lui pensant remontrer, il lui parla plus haut qu'il ne devait, et fort indiscrètement, et même devant le roi, qui lui en fit une bonne réprimande, et le chassa. Le dit Dupin se fondait sur l'édit qui est là, fait et observé sur la vie, ni dire, ni ouïr, messe. La reine s'en étant piquée, Dieu sait comment, jura et protesta qu'elle ne mettrait jamais les pieds en ce pays-là, d'autant qu'elle voulait être libre en l'exercice de sa religion, et par ainsi elle en partit, et depuis garda très bien son serment. Mais Dupin était rentré en grâce et était toujours conseiller du roi, ce qui nous prouve que la religion n'avait été qu'un prétexte. 7. Aventure de guerre et d'amour. C'était en 1582. Elle arriva à Paris et y reçut le plus froid accueil. Se considérant comme une veuve, elle usa d'une extrême liberté. Son retour au Louvre fut le signal de fêtes galantes qui s'avilirent jusqu'à l'orgie. Henri III s'en fâcha, et il est bien fâcheux pour nous qu'un sténographe n'assistait point à la scène qu'il lui fit, car il paraît qu'en lui reprochant ses désordres dans les termes les plus vifs et les plus crus, il fit l'énumération complète de tous ses amants, depuis le duc de Guise, dont la faveur est douteuse, mais qu'il n'omit point, et Bussy et la Mole, jusqu'aux favoris de la veille. La liste était très longue. Ce malheureux Henri III, si faible, si facile à emporter, ce pauvre fou, accabla sa sœur d'injures et la chassa publiquement. Et ce ne fut pas tout. À peine était-elle sortie du Louvre, il ajoutait à cet outrage public un outrage plus offensant encore. Il la faisait arrêter, elle et ses principaux domestiques. Puis il interrogeait ces derniers sur les déportements de sa sœur et même sur un enfant qu'il prétendait qu'elle avait eu au Louvre. Il descendait dans ses délicates investigations à des détails honteux avec la hardiesse de langage du temps et cette fureur d'un esprit exalté et ruiné par de précoces débauches. Enfin, faute de preuves, il relâcha ses prisonniers. Marguerite reparut en Béarn, à Nérac. Son mari, doublement indigné, se plaignit des procédés odieux de Henri III, sans essayer d'en consoler sa femme. Après cet éclat, il ne pouvait la garder près de lui. Pendant les négociations qui s'ouvrirent à ce sujet entre les deux Henri, Marguerite promena son faste et ses dérèglements de ville en ville jusqu'à ce qu'il lui prît fantaisie d'aller s'enfermer à Agen. Cette ville lui avait été donnée en apanage. Elle voulut s'y fortifier et y rester indépendante, entreprise excentrique. Mais, dit Brantôme, elle y fut très mal servie par Madame de Duras qui, sous son nom, faisait grandes exactions et concussions. Le peuple de la ville s'en aigrit et, sous main, en couva une liberté et moyen de chasser et leurs dames et ses garnisons, sur lequel mécontentement M. de Matignon prit occasion de faire entreprise contre la ville. La ville fut prise et forcée de telle sorte et en telle alarme que la pauvre reine, tout ce qu'elle put faire, fut de monter en trousse derrière un gentilhomme et Madame de Duras derrière un autre et se sauver de vitesse. Elles firent 12 lieues tout d'une traite et se sauvèrent dans la plus forte forteresse de France qui est Carlat. Où étant, elle fut, par les menées du roi son frère, qui était très habile et très subtil roi, s'il en fut oncle, vendue par ceux du pays et de la place, et en étant sortie, sans défiant, ainsi qu'elle se sauvait, fut prisonnière entre les mains du marquis de Canillac, gouverneur d'Auvergne, et menée dans le château d'Usson. Cette arrestation s'accomplit à la satisfaction commune du mari et du frère. Voilà donc, poursuivit le chroniqueur, cette pauvre princesse prisonnière est traitée, non en fille de France, certes, ni même en princesse si grande que celle-là. Toutefois, si son beau corps était captif, son brave cœur ne l'était point. Que c'est que peu un grand cœur conduit d'une grande beauté ? Car celui qui la tenait prisonnière en devint prisonnier dans peu de temps, encore qu'il fût brave et vaillant. Pauvre homme, que pensait-il faire ? Vouloir tenir prisonnière et sujette celle qui, de ses yeux et de son beau visage, peut assujettir en ses liens et chaînes tout le reste du monde, comme un forçat. Le voilà donc, ce marquis, ravi et pris de cette beauté. Mais elle, qui ne songe en aucune délice d'amour, mais à son honneur et à sa liberté, joue son jeu si accortement qu'elle s'empare de la place, chasse le marquis, bien ébahi d'une telle surprise et ruse militaire. Elle a gardé 6 à 7 ans. Elle avait commencé, après avoir séduit le marquis, par faire quitter la place à madame de Canillac et séduire quelques officiers. On lui laissa la ville qu'elle avait conquise, trop heureux de la voir se résigner à cette résidence et d'être débarrassée de sa remuante personne. De son côté, elle se plaisait à Husson, qu'elle appelait son arche de salut. Dans cette solitude, elle s'abandonnait librement à son humeur galante, des amours de garnison et des amours champêtres. Elle régnait par l'autorité de son nom et par sa beauté et son esprit. Pour récompenser ses nouveaux sujets et entretenir leurs ailes, elle avait l'inépuisable trésor de ses charmes. L'histoire ne dit pas si elle exerça quelque influence sur les modes auvergnates. C'est à Husson qu'elle écrivit ses mémoires, qui s'arrêtent à son séjour à Pau, et il est bien regrettable qu'elle ne les ait point poussées plus loin. Nous y aurions trouvé de précieuses indications sur sa vie à Husson. Il ne nous convient pas de nous en rapporter uniquement aux médisances de ses ennemis. Nous n'écrivons pas un ouvrage de diffamation. Nous ne donnons donc que sous toute réserve les propos de Daubigné et d'autres qui l'accusent d'avoir eu à Husson un enfant d'un gentilhomme nommé Daubiac, que le marquis de Canillac aurait immolé à sa jalousie. De même pour ses amours avec le fils d'un chaudronnier nommé Pomigny, qui d'enfant de cœur fut élevé à la dignité de secrétaire intime. Tout cela n'a rien d'invraisemblable, mais rien n'est certain. Margot n'était pas femme à dédaigner un joli enfant de cœur avec des yeux bien vifs et des dents bien blanches. Mais quant à affirmer que cet enfant fut aimé et s'appelait Pomigny, il en est ainsi de bien d'autres. Et d'ailleurs, Henri III, dans la fameuse récapitulation des amants de sa sœur, n'avait-il pas exagéré le nombre des coupables ? Montrons-nous plus réservés que Henri III. Ce roi fit un accueil plein de colère et de raillerie au bon marquis de Canillac, lorsque celui-ci vint lui avouer la façon burlesque dont il avait perdu son gouvernement d'Auvergne. Et le bon jeu, dit Daubigné, fut qu'aussitôt que le marquis eut le dos tourné pour aller à Paris, Marguerite dépouilla la marquise de ses beaux joyaux et la renvoya comme une péteuse. Si Marguerite en agit ainsi, ce n'était point par cupidité, car elle n'était point cupide. Mentionnons encore, parmi les amants que l'on a supposés à la reine d'Husson, Martigues, Bajaumont et Mayenne. Qui encore ? Il faut croire que le séjour des montagnes aide l'esprit à se débarrasser des vaines agitations de la politique, des intrigues des partis et porte à la philosophie. Marguerite demeura 18 ans dans sa retraite et ne prit aucune part aux sanglantes intrigues de la Ligue. De cette retraite, elle alliait un épicurisme philosophique aux pratiques d'une ardente dévotion. Combattant le péché par le repentir et l'excès du repentir même, qui n'est qu'un désespoir, un doute de la clémence divine, par un retour philosophique à la galanterie et autres péchés mignons, conscience et tempérament vivaient de bon accord. Elle avait d'ailleurs assez de ressources dans l'esprit pour éviter l'ennui. Lorsqu'elle n'écrivait point, lorsqu'elle ne s'entretenait point avec les écrivains ou les poètes de son temps, elle s'entretenait avec ses souvenirs, avec les morts pour lesquels elle avait un culte singulier, malgré la légèreté de son caractère. Son imagination avait parfois des caprices bizarres, et de notre temps, le penchant superstitieux qu'elle tenait de sa mère lui fait rechercher les spirites. Cela nous remet en mémoire une anecdote de cet inépuisable Brantôme que nous allons reproduire, mais en l'abrégeant. Le capitaine de Bourdeille, frère du chroniqueur, avait été envoyé en Italie pour y étudier les belles-lettres, à l'âge de 18 ans. Il s'arrêta à Ferrare, près de madame Renée de France, et y entra à l'université, mais, dit Brantôme, il n'y étudiait guère, préférant faire la cour et l'amour. Si bien qu'il s'amouracha d'une demoiselle française nommée Mademoiselle de la Roche. Sur ces entrefaites, le jeune de Bourdeille fut rappelé en France par son père. Sa maîtresse le pria de l'emmener avec lui et de la conduire à la cour de la reine de Navarre, à qui elle avait appartenu avant d'être à la duchesse de Ferrare. Les deux amants se rendirent ensemble à Paris, mais peu après le jeune de Bourdeille laissa la plume pour l'épée et partit pour les guerres de Piémont et de Parme. Il y resta 5 ou 6 mois, au bout desquels il revint en Béarn, où se trouvait sa mère. Il présenta ses hommages à la reine au moment où elle sortait de Vêpres. La reine de Navarre, qui était bien la meilleure princesse du monde, lui fit une fort bonne chère et, le prenant par la main, le promena par l'église environ 1 heure ou 2, lui demandant force nouvelle des guerres du Piémont. Enfin, après l'avoir entretenu assez de temps, et ainsi que la nature et la complexion de cette honorable princesse étaient de ne dédaigner les belles conversations et entretiens des honnêtes gens, de propos en propos, toujours en se promenant, vint précisément arrêter quoi mon frère sur la tombe de Mademoiselle de la Roche, qui était morte il y avait 3 mois. Puis le prit par la main et lui dit « Mon cousin », car ainsi l'appelait-elle, d'autant qu'une fille d'Albret avait été mariée en notre maison de Bourdeille, « mais pour cela je n'en mets point plus grand pot-au-feu, ni n'en augmente davantage mon ambition. Ne sentez-vous point rien mouvoir sous vous et sous vos pieds ?»« Non, madame, » répondit-il. « Mais songez-y bien, mon cousin, » répliqua-t-elle. Mon frère lui répondit, « Madame, j'y ai bien songé, mais je ne sens rien mouvoir, car je marche sur une pierre bien ferme. »« Oh, je vous avise, » dit la reine, sans le tenir plus en suspens, « que vous êtes sur la tombe et le corps de la pauvre Mademoiselle de la Roche, qui est ici, au-dessous vous, enterrée, que vous avez tant aimée. Et puisque les âmes ont du sentiment après notre mort, il ne faut pas douter que cette honnête créature, morte de frais, ne se soit émue aussitôt que vous avez été sur elle. Et si vous ne l'avez sentie, à cause de l'épaisseur de la tombe, il ne faut douter qu'en soi, elle ne se soit émue et ressentie. Et d'autant que c'est un pieux office d'avoir souvenance des trépassés, et surtout de ceux que l'on a aimés. Je vous prie lui donner un paternoster et un Ave Maria et un De Profundis et la rosier d'eau bénite. Et vous acquerrez le nom de très fidèle amant et de bon chrétien. Je vous lairai donc pour cela, et pars. » Et s'en va. Mon frère ne faillit à ce qu'elle avait dit, puis l'alla trouver, qui lui en fit un peu la guerre, car elle en était commune en tout bon propos, et y avait bonne grâce. 8. Le divorce. Depuis 1587, depuis qu'elle avait été chassée du Louvre, Marguerite n'était plus reine que de titre, et déjà la pensée d'un divorce était entrée dans l'esprit de son mari. Quand celui-ci eut battu Mayenne et pris Paris, il comprit qu'il devait renoncer à sa religion et à sa femme, et, étant devenu ainsi paisible possesseur de la couronne de France, il songea à un nouveau mariage. Marguerite était toujours à Usson lorsqu'on lui fit pressentir l'intention d'Henri IV. Elle repoussa d'abord ce projet avec indignation, croyant que le roi voulait épouser sa maîtresse, Gabrielle d'Estrées. Mais après la mort de cette décriée bagasse, c'est son expression, elle céda et consentit d'assez bonne grâce à la dissolution de son mariage, qui fut déclaré nul pour vice canonique le 17 décembre 1599. Le sujet eût été beau pour faire un projet scandaleux dans le genre de celui de Caroline de Brunswick, mais Henri et Marguerite de France étaient d'autres personnages que Caroline et Georges IV. C'étaient des gens d'esprit d'abord, ce qui établit une profonde différence entre eux et ces derniers. Le divorce ne produisit aucun scandale, aucune émotion dans l'esprit public. Henri IV épousa Marie de Médicis, et en 1605, Marguerite revint à Paris. Elle y reçut le plus gracieux accueil du roi et de la population. Elle habita pendant quelque temps le château de Madrid, près du bois de Boulogne, puis l'hôtel de Sens, qui existe encore, mais transformé, je crois, en fabrique de confiserie. Et enfin rue de Seine, où elle se fit construire un palais dont les vastes dépendances descendaient jusqu'au bord de la Seine. Elle avait fait là des dépenses considérables et s'entourait d'un luxe qui devait faire froncer le sourcil au sage et économe Sully. Elle avait alors 55 ans, Le temps avait neigé sur ses beaux cheveux noirs, ses traits s'étaient épaissis et sa taille était devenue énorme. Cependant, elle était toujours coquette et représentait encore, mais d'une façon quelque peu surannée, l'élégance de la cour des Valois. Elle n'avait pas dit adieu non plus à la galanterie. Son caractère ne se démentit jamais et elle resta jusqu'à la fin la reine Margot. Cependant, ses 18 ans de confinement, dit Sainte-Beuve, lui avaient donné des singularités et même des manies. Elles éclatèrent au grand jour. Elle eut encore des aventures galantes et sanglantes. Un écuyer qu'elle aimait fut tué près de son carrosse par un domestique jaloux. Et le poète Ménard, jeune disciple de Malherbe et l'un des beaux esprits de Marguerite, fit là-dessus des stances et des complaintes. Pendant le même temps, Marguerite avait des pensées sincères et plus que des accès de dévotion. À côté de Ménard pour secrétaire, elle avait Vincent de Paul, jeune alors, pour son aumônier. Elle dotait et fondait des couvents tout en payant des gens de savoir pour l'entretenir de philosophie et des musiciens pour l'amuser pendant les offices divins ou dans des heures plus profanes. Elle faisait force aumône et libéralité et ne payait pas ses dettes. Ce n'était pas précisément le bon sens qui présidait à sa vie. Au milieu de tout cela, elle était aimée. Aimée comme le sont les femmes de cet âge, même les reines. Les soleils couchants de ces automnes de la galanterie sont des soleils frileux et pâles. On pourrait cependant faire une liste assez longue de reines et de princesses galantes jusque dans la vieillesse la plus avancée. Constance, reine de Sicile, avait 52 ans lorsqu'elle se maria. Et elle eut un enfant dont elle voulut accoucher publiquement dans les prairies de Palerme. Et Diane de Poitiers, la duchesse de Valentinois, qui fut la maîtresse de François Ier et de Henri II, et qui, à l'âge de 70 ans, était encore une beauté fort recherchée. Et la marquise de Gouast, qui, à l'âge de 60 ans, eut pour amant Monsieur de Guise, grand prieur de France. Mais revenons à Marguerite. Son dernier amant connu fut un musicien de sa chambre. Elle l'aima avec passion, et on l'avait surnommé le roi Margot. Le règne de ce prince de la main gauche ne fut point de longue durée, Marguerite approchait de sa fin. Dans ses derniers jours, elle était devenue sombre et sujette à des tristesses et des terreurs subites. Ses dérèglements avaient lassé la patience de Henri IV, et ses prodigalités fatiguaient ses créanciers. Elle se méfiait du roi et de tout le monde, et tremblait qu'on ne se portât contre elle à quelque fâcheuse extrémité. Ajoutons que les passions politiques qui grondaient alors autour d'elle devaient lui rappeler les plus mauvais jours de sa jeunesse. Elle mourut le 27 mars 1615, à l'âge de 62 ans. Son corps fut déposé dans la chapelle du couvent des Petits Augustins qu'elle avait fondée, puis transporté dans les caveaux de Saint-Denis. À côté du portrait de Marguerite de Navarre, nous avons à suspendre celui de Marie de Médicis, qui elle aussi a mordu aux fruits défendus. Puis viendront Anne d'Autriche, qui, plus discrète que les précédentes, n'est pas moins digne de notre galerie, et Caroline de Naples, depuis longtemps promise, et d'autres encore, bien que nous n'ayons pas l'ambition d'épuiser le sujet.